Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, l'armée française, des rues de Paris au désert du Sahara, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste ancien engagé et l'envie de dire que la raison d'être du soldat, c'est la guerre, la défense du territoire, la violence et donner la mort ou être tué. Il y a aussi le souci de redorer les blasons et de comprendre ce qui pousse à s'engager. Patriotisme, désir d'aventure, envie de prendre sa mesure, mais toujours le poids du réel une fois sur le terrain. Et puis il y a ces 6 jeunes hommes et femmes envoyés au Mali, comme dans le désert des Tartares à l'affût d'ennemis invisibles. Alors pour commencer, les personnages. Un colonel, un commandant, un brigadier brancardier, un gunner, des silhouettes dans l'obscurité, des tireurs d'élite, des soldats d'un groupement d'infanterie crasseux et fourbu, et un poète. Ensuite le décor. Le terrorisme, des casques et des gilets pare-balles, de la poussière, la chaleur sur le blindage, les pierres du désert à n'en plus finir, le temps qui se dilue, des rituels contre la peur, une menace permanente, des tirs, des rires, le doute et des canons à son. Aujourd'hui, premier épisode, on est au Nord Mali. L'opération française Iroquois contre les groupes armés de Hansardine a pris fin et on attend l'hélicoptère. C'est notre hélicoptère qui arrive. Oui, voilà, c'est l'hélicoptère, donc le Puma qui va nous amener sur la zone des opérations. Nord Mali, décembre 2016, opération Iroquois. Raphaël Kraft, Guillaume Baldi. Sur le siège devant moi, le correspondant de RFI, spécialiste du Mali. Ouais, montre-moi. Voilà Kidal, voilà Tessalit, et nous on va là à Bokhassa, okay, donc juste à côté de la frontière algérienne. Toute proche, ouais. Alors là nous on y va parce qu'il y a une opération française, et s'il y a une opération de la force Barkhane, c'est parce que c'est, comme on dit, un coin qui pue. C'est-à-dire, pour quelle raison? Il y a la présence d'un groupe armé, notamment qui s'appelle Hansardine, qui est assez actif et qui l'a été au cours des derniers mois. Malheureusement, le dernier soldat français qui a été tué dans le pays, il a été tué dans ce coin-là, près d'Abeibara, entre Abeibara et Kidal. Comme tu vois sur la carte, c'est pas très loin, c'est la même zone d'action. Début novembre 2016, hein, c'est ça? Exactement. Un IED, une mine sur la route. C'est ça, et il y en a eu, à ce moment-là, c'était un IED lors d'un convoi logistique. Des IED, il y en a eu pas mal d'autres, avec d'autres soldats blessés. Là, tout autour de nous, c'est le désert, on voit quelques montagnes. L'opération Barkhane, c'est 3000 hommes sur un territoire grand comme l'Europe, c'est ça? C'est 3000 hommes sur plusieurs pays. Là, dans le nord du Mali, c'est un millier, entre 1000 et 1300 selon les moments. Et là, oui, on est dans le désert et les montagnes que tu vois, on appelle ça l'Adrar, massif montagneux, l'Adrar des Iforas. D'accord. Le casque et le gilet. Non. On va juste en train d'aller nos affaires. Donc vous pouvez poser vos affaires ici et puis le capitaine Mosé est parti. Moi, je pense, ouais. Bon, il faut qu'il va envoyer un véhicule. Allez-y, on peut tout enlever. Et le capitaine Mosé va envoyer un véhicule pour récupérer vos affaires. Ça sera quand même plus sympa. Puis après on va faire connaissance, puis on va boire un coup. Ah, bien, okay. Voilà, faut étancher notre foie. Thank you. Bon, on est à l'ouest de Bouguessa, vous venez d'arriver, on est à l'ouest de Bouguessa. Bon. Et puis donc on est arrivé. Je perds la notion du temps en réalité. On est arrivé il y a 2 jours, après un raid terrestre de plusieurs jours, puisque nous venions de Kidal et de Thessalit. Et voilà, on va rester dans la région de Bouguessa pendant quelques temps. Bon, la mission, vous la connaissez, hein, c'est la lutte contre les groupes terroristes. Je suis le colonel François, donc je commande le groupement tactique désert Ardent, donc qui est le groupement infanterie de la force Barkhane, et donc qui est déployé au Nord-Mali. Donc nous sommes arrivés il y a 2 mois. Et donc là, actuellement, nous conduisons une opération de niveau régimentaire, donc à l'extrême nord du Mali, donc entre Thessalit, Bouguessa et Tinzawaten, donc de lutte contre les groupes armés terroristes. C'est l'opération Iroquois. Alors il n'y a pas de sous-entendu ou de raison particulière pour laquelle elle s'appellerait Iroquois. Voilà, donc c'était en fait c'est infanterie I comme infanterie, donc il fallait trouver des opérations avec des noms commençant par I. Donc on a fait des opérations avec des noms un petit peu plus virils, en quelque sorte, Intrépide, Invictus, voilà, et là c'est Iroquois. Voilà. Mais les Iroquois étaient des alliés des Français. Voilà. Donc c'est une opération au profit de nos camarades. Voilà. En fait, comme on est en opération, on est dans un système de contrôle de zone, donc un système très dynamique. Et tous les jours, on change d'emplacement. Autrement, donc on a un dispositif de base fixe, donc installé sur Kidal, où est mon poste de commandement principal à Kidal, donc la capitale des Touaregs, la capitale de la Zawad, et également à Abeibara, au nord de Kidal, donc il y a un poste un petit peu plus avancé, et enfin à Thessalit, qui est sur la route de l'Algérie, sur la transsaharienne historique. Et j'ai également un élément sur Gao, donc sur la boucle du fleuve Niger. Et je commande ces 4 emprises à partir de Kidal. Et donc, bien évidemment, donc on a des dispositifs mobiles avec des patrouilles à partir de ces bases fixes et également des opérations un petit peu plus importantes comme celle-ci où on est en nomadisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et donc au plus loin de nos bases. Donc, c'est pour dire que voilà, la force Barkhane est partout. Enfin, en tout cas, elle peut aller partout quand elle le veut où elle le veut. Et en quel honneur êtes-vous sorti de votre poste de commandement pour venir ici là ? Parce qu'on est quand même très loin, hein. Et puis vous êtes très sale. C'est vrai. Et vous n'êtes pas rasé. Mais j'ai prévu. Très bien, très bien. Moi aussi. Voilà. On est parti tôt ce matin, alors je préfère me raser à la lumière du soleil. Bon, j'attendais que votre venue pour me raser et vous faire honneur. Bon, plus sérieusement, je me positionne là où l'action principale se déroule. On a formé le cercle, comme au temps des Indiens. C'est un cercle carré, ouais. C'est la quadrature du cercle. Mais oui, alors on a formé le cercle. Alors, tout à fait. Donc ici, donc nous sommes sur une BOAT, une base opérationnelle avancée temporaire, qui permet, si vous voulez, d'assurer à la fois la protection vers l'extérieur et puis de préparer nos opérations à l'intérieur. Ouais, bonne manip. Merci. Est-ce que tu nous lâches et puis tu décolles ? Ouais. Okay. Ouais. Si tout le monde est prêt, je vais commencer par l'articulation. Vous me dites si je vous dis quelqu'un. Vers 10 avec gris, vers 20 avec enfer. Plus vers 72, plus le TC1 Bravo. Vers 50, plus vers 73, plus vers 90. Vers 40, plus le Tango Charlien Alpha, plus vers Alpha, plus vers 70. Et Cerber en organique. Primo situation ennemi. La zone située au nord-nord-ouest de Bouguessa pourrait abriter des campements et des caches d'Ansar Eddin. Renseigné par des groupes de renseignement et d'action, ils disposaient jusqu'à ce jour d'une totale liberté d'action dans cette zone entre notre position et la frontière algérienne au nord-ouest. tertio exécution, primo alpha, tertio alpha, idée de manœuvre, afin de désorganiser le dispo GRA. Je veux au mieux capturer, au pire chasser les GRA de la zone 6 pour le 11-12h, pour demain 12h. Qu'est-ce qui se passe là, Manu? T'as un petit rituel avant le départ? Toujours, j'ai des pierres. Quoi. Pardon, je rigole pas. Quoi. Donc ma femme, mon fils m'a fait deux pierres avec son grand-père, avec leur écrit le nom de mon fils, je peux donner les noms? Oui, Noah et Maé, donc c'est mes deux enfants de 5 ans et 1 an. Et tous les jours avant de partir, bah, j'embrasse ces deux pierres avant de partir en mission à côté de mon véhicule. Et on a un deuxième petit rituel, c'est j'ai un petit kiki en peluche dans le véhicule, on lui touche la queue arrière avant de partir. Voilà. Et si tu le fais pas? Bon, je suis pas bien pour la journée. Ou des fois, si je l'oublie, bah, en pleine journée, je les sors et je le fais. Mais oui. C'est pas pareil. Quoi. Mais c'est pas pareil. Tout à fait, c'est pas pareil. Nous, on est dans le VAP de tête, on vous accompagne, hein, c'est ça? Tout à fait, le suivi de mon groupe de combat, le chef de corps, et les chiens et moi derrière. Donc le VAP de tête, c'est... C'est le VAP de tête. Voilà. Vous êtes au premier rang, si vous êtes sur la photo, s'il arrive quelque chose. Non, j'ai rigolé. Bon, à tout de suite, Manu. Merci. Merci beaucoup. Il faut juste faire attention à la tête. Il y a le... C'est bon. Ça va, Joshua? Oui, c'est ça. Oh, très bien. Soleil, tous les jours. Ça va, nickel. Oui, vers ici, de l'eau avant. On pourra parler. Je l'ai pas carrément, je me suis pris un arme. Ouais, je sais, mais t'es en bas. Je l'ai carrément touché sur le bordel, j'étais comme ça. Et allez. Ce qui est bien en fait avec le Mali, c'est que quand on va rentrer chez nous, ça sera un hôtel 3 étoiles. On aura le grand luxe, même juste un petit canapé. Même si je vois les chiottes bouchées, c'est un luxe. Nous, j'ai jamais du sirop dans une bouteille d'eau, c'est équivalent du champagne alors. Ouais. Ça a goûté comme ça. J'arrive sur le Kenya, les saucissons, les cacahuètes, c'était top. Le Wavin de vers Alpha, PVP, journaliste, correct? Oui, correct. Donc moi-même avec un PVP à l'intérieur de journalistes. Mais t'en es pour combien tout ça là? Superbe. C'est qui le patron? Hein? Chef Philippe, chef de bord du VAP T23. Appelez le VAP T23, VAP canon de 20 mm. Et vous l'appelez comment, votre VAP? Le U-Boot, c'est ça? Non, non, ça c'est un petit surnom. Notre côté tankiste qui nous fait penser à une... Un petit engin où on est tous enfermés dedans. Ouais. Vous venez de quel régiment, vous? Premier régiment de chasseurs situé à Thierville-sur-Meuse. Qui se trouve où, ça? À côté de Verdun, okay. dans la Meuse. Et vous, Philippe, vous avez quel âge? J'ai 33 ans. D'accord. On va peut-être se tutoyer. On va essayer. Et vous êtes combien dans ce VAB? Donc on est un chef de bord, un pilote, le tireur canon de 20. Et on a trois portées, donc un chef d'équipe, deux gunners qui sont en tape à l'extérieur. Et on a toujours un renfort soit SC2, soit SC3, donc un renfort sanitaire avec un brancardier secouriste ou un infirmier, suivant les missions. Ça fait combien de... Donc ça fait 7 personnels, ouais, au sein d'équipage, plus des renforts éventuels suivant... Ouais, donc là, en l'occurrence, les renforts, c'est nous, on n'est voilà. Pas gâtés. Non. C'est vous qui serez serré, moi je suis à l'avant, ça va. Donc c'est un peu une famille, quoi. C'est de manière dans la cavalerie, on est habitué à l'esprit d'équipage, donc vu qu'on est toujours cloisonné dans un petit élément. Donc l'esprit de camaraderie est très important chez nous. Et puis du fait qu'on vive toujours les uns sur les autres, qu'on soit toujours les uns sur les autres, bah, les liens se font malgré tout naturellement au sein de l'équipage. Brigadier Quentin, donc, qui est gunner au Gunner au sein du VOP T23. Donc ça veut dire que tu tires avec le canon au-dessus? Non. En fait, je suis juste en top derrière. Là. Et on surveille au plus près du VOB. Et on indique les cibles auprès du tireur canon. D'accord. Olivier, brancardier secouriste détaché pour soutenir la cavalerie. Et alsacien. Et alsacien de surcroît. Rémi, brigadier, je suis au même titre que Quentin. Je suis en tape à l'arrière, je suis gunner. Et bon, et on va où? Donc là, on monte un petit peu plus vers le nord afin de d'abord trouver pour nos amis, pour trouver pour le TC1 une zone d'installation pour ce soir. Et puis après, se préparer pour l'OP de demain qui sera du contrôle de zone dans le secteur pour faire des éventuelles interceptions. Ok. Voilà. Donc et là, puis, on ne fume plus pendant combien de temps? Si. Ok, on va s'arranger. Ok, ça je coupe. Off. C'est toi qui vas te faire taper sur les doigts. Donc là, il faut que je mette mon gilet pare-balles et mon casque, c'est ça? C'est ça. C'est obligatoire. Ok. Degrés, c'est ça? 42. Vous portez combien de kilos d'équipement là? Gilet, il est pas loin de 20 kilos. Ouais. Et plus les chargeurs, plus l'équipement, la tique, le casque, on doit pas être loin des 25 kilos, je pense. Sans vos sacs? Sans les sacs. Et sans le FAMAS? Sans l'arme? Sans l'armement. L'intérieur du VAB, il fait 38 degrés. Cool. Et cette nuit, il faisait combien? Cette nuit, bah ce matin au réveil, j'ai sorti le thermomètre, il faisait 10 degrés 3 ou un truc comme ça. On est en armée, effectué. Comment tu le qualifierais cet ennemi? Il est avant tout chez lui, donc il connaît le terrain. Il a eu le temps de nous observer, il connaît les modes d'action de la force. Ça lui permet de s'adapter et d'user des ruses. Pour pouvoir placer notamment les mines ou les différents engins explosifs qui peuvent retarder notre avancée. Alors, en tout cas, le fait est que cet ennemi n'ose pas se dévoiler quand bien même on vient le pousser dans ses extrêmes retranchements, puisque là, à l'heure actuelle, on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne. Donc on est vraiment allé à l'extrême nord du Mali et malgré ça il ne tient pas son territoire, donc il préfère fuir, comme je le disais avant, attendre notre départ et revenir après. L'ennemi a été affaibli par Serval et il a eu connaissance de la puissance entre guillemets de la force française. Il sent quoi s'en tenir. C'est ce qui explique, à mon sens, les modes d'action qu'il utilise actuellement. Écoutez, là on essaie de voir avec le Gabi, mais vu que dans la zone il n'y a pas grand chose pour un champ d'interception. Quoi? En tout ouvert. Débarque. Ça fait binôme ou trinôme? À midi, en deuxième plan, la chaîne rocheuse. Homme sur dromadaire. partiellement masqué par les rochers en premier plan. On va un peu passer quelques heures ici, là, voir si on trouve pas ce qu'on a déjà trouvé les jours précédents, des engins explosifs improvisés ou des caches où ils peuvent laisser du matériel pour se ravitailler. Vous êtes formé aux us et coutumes de cette région du Sahara avant de partir ? Alors, avant de partir en opération extérieure, peu importe où on va, on a forcément une information de la part de l'EMSOM. C'est quoi l'EMSOM ? C'est un organisme en fait qui a pour... Je constate quand même qu'il y a beaucoup d'acronymes que vous ne connaissez pas vous-même. Hein. Alors il y a tellement d'acronymes que certains on a du mal à s'en souvenir. Maintenant c'est l'organisme qui s'occupe essentiellement d'aller dans les régiments et dans les organismes pour expliquer le théâtre sur lequel les soldats vont aller. Donc on a une sensibilisation aux us et coutumes, aux religions, à ce qu'on a le droit de faire et pas faire avec la population locale. À l'histoire, on remonte très loin. Et ensuite, charge à chaque chef, le capitaine en premier lieu, et ensuite les chefs de peloton et de section, d'expliquer ensuite aux soldats qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, pour vraiment que le soldat, en arrivant sur le territoire, il comprenne le sens de sa mission, pourquoi il est là et pourquoi la France est engagée sur ce théâtre. Voilà. On peut enlever les casques et sortir ? On peut enlever le casque, mais on sort avec le casque. Alors soit on enlève le casque, ouais. Soit on sort et on remet le casque. Décembre 2016, 19h30, on va déjà aller se coucher. Donc toute la nuit, il y a des gens qui observent aux quatre coins, qui observent avec des caméras thermiques pour voir s'il n'y a pas d'approche suspecte. Et s'il y a le moindre souci, donc il y a les comptes rendus qui remontent. Et le capitaine donnera ses ordres en fonction de la menace. S'il y a une attaque directe, la priorité c'est de mettre ses protections balistiques et pour vous de se mettre dans le VAB sous blindage pour être protégé, et là il y aura forcément une riposte. Et s'il y a une attaque de tir indirect, donc des mortiers ou ce qu'on appelle des chicoms, là c'est pareil, c'est frag et on se met très très rapidement sous blindage. Et là, nos lits picots à la Belle Étoile, on les met derrière le VAB, c'est ça ? On va les mettre derrière le VAB, comme ça vous serez au moins protégé de ce côté-là d'une attaque directe. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux lui donner une montagne en faux de tableau à prendre en compte ? Fais voir, dézoome un peu, je vais lui dire. Ok, c'est la montagne. 600. Tu tires dès que t'es prêt. Maki ? Oui. Deuxième LGI, plus long, 100. Va donc voir dans le VAB, m'a ramené une capsule. J'en ai. Ah, ça c'est quelqu'un de bien, ça. Merci. En échange, je veux juste savoir ce qui se passe. Ok. Donc il y a... Trois personnels, on peut pas identifier exactement si, s'ils sont hostiles ou pas. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils sont à moins de 400 mètres de notre bivouac. Donc, vu l'heure à laquelle ça se passe, on peut envisager qu'ils aient des intentions hostiles contre la force. Voilà. Okay, j'ai deux personnes. D'ailleurs, il y a eu un tir de 12-7, pour quelle raison ? De mitrailleuse, en l'occurrence. Un tir au coup par coup, délibérément à côté de l'objectif, pour essayer de provoquer chez lui une réaction. D'accord. Okay. Et là, vous envoyez des éclairants, c'est ça ? Et là, on envoie des éclairants, pareil, pour essayer de provoquer chez lui une réaction, et donc de pouvoir discerner le... Pardon. 22 Alpha. Alpha, nouvelle détection, personnel en déplacement, toujours dans la même zone. 22 Alpha reçu. T'es chaud, 24 heures en VIP. Bon, la vitelle, on n'a rien, moi, Jean. Je crois que je suis pas dans votre axe, en fait. Je dois être bloqué avec les arbres. T'as un azimut en millième ? Ouais, j'ai pris, ouais. Mais je suis juste derrière l'arbre, alors ils sont déplacés vers la droite ou... Bah ils sont dans 1480 millièmes, t'as pris ? Ouais, c'est ça. C'est ouais, bah plus ou moins 100 millièmes. Tu vois, qui est sur un massif rocheux ? Ouais, c'est ça. Et bah ils se déplacent droite-gauche derrière ce massif. Okay. C'est vrai, mais pourquoi je disais... T'es sûr, c'est un homme, sur ce que t'as vu, ce que tu viens de voir courir, là ? Ce qui vient de courir, non, ça, ok, voilà. Ah, moi j'aurais dit un bonhomme aussi, là, par contre. Non, voilà, non. Ah, ça va vite, hein. Je veux du compte-rendu sûr comme avant. Pas un renard. Non, mais par contre, enfin, attention, il y a quand même un troupeau derrière. Et ce qu'on a vu avant, c'est des hommes debout, hein. Même l'autre là-bas, il l'a vu. Ouais. Là, ça bougeait vite, hein. C'est un mec qui court, c'est pas un mec qui marche. Mais c'est comme d'hab, ils se camouflent avec. Ils savent qu'on a de la thermique et ils utilisent le troupeau pour se camoufler quand on. Ils bougent comme. Bah oui, comme un Baybara, pareil. 22 Alpha. 20, nouvelle détection de personnel, même zone. 22 Alpha reçu. Je précise, déplacement rapide. 22 Alpha répété. Déplacement rapide. 22 Alpha reçu. Des tireurs d'élite là qui viennent se placer, n'est-ce pas ? Tout à fait. La tombée de la nuit, généralement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de locaux qui se promènent dans la région. Ok, j'ai un autre mouvement. 1380 mm. Ouais. Personnel de la gauche vers la droite qui se déplace en courant. Ils sont à quelle distance ? 400 mètres environ. Donc c'est à portée de beaucoup de choses. Oui. Et peut-on imaginer qu'ils soient équipés de chicom, de mortiers, de choses comme ça ? On peut tout imaginer après. Jusqu'ici, en tout cas, ce qu'on en a vu, grâce à nos moyens thermiques, ils n'avaient pas d'armes dans les mains. Donc c'est pour ça que nous, on se cantonne à de l'observation, à de l'avertissement, pour rester conforme aux règles d'engagement qu'on a reçues. Alors, je suis l'adjudant Anthony. Je suis au 152e régiment d'infanterie depuis maintenant bientôt 17 ans. Et j'occupe la fonction de chef de section de combat. Le commandement a décidé d'utiliser un matériel qu'on avait à notre disposition. C'était un canon à son, couplé avec un interprète, et qui a fait passer un message clair et simple à ces gens, en leur disant qu'ils étaient dans une zone contrôlée par l'opération Barkhane, et qu'ils devaient se signaler à la force ou reculer, dans auquel cas ils risquaient d'être blessés ou tués. Donc le message a bien été entendu par ces gens qui du coup ont arrêté de se cacher et ont pris le large par rapport à notre dispositif. N'aurait-il pas fallu diffuser le message avant de tirer ? Enfin, je suis désolé. L'urgence de la situation, ouais, fait que ce matériel, donc le canon à son, est un instrument assez long, ouais, à mettre en place. Le warning shoot était la seule solution qui était immédiate et qui était pour nous possible de faire. Et donc la découverte de la présence d'enfants vous conforte dans cette idée que finalement ce n'était que des nomades qui passaient par ici avec leurs troupeaux. Exact, mais ça on l'a su que beaucoup plus tard, voilà, puisque les enfants étaient dissimulés de notre vue et on ne pouvait pas les observer. Mais toujours est-il que, dû de toute façon à nos règles d'engagement, ne pouvant pas certifier que ces gens-là avaient des intentions hostiles envers nous, nous n'aurions de toute façon pas pu appliquer des tirs à détruire sur ces personnels. Il y avait quand même une forme, je ne vais pas dire d'exaltation, mais d'excitation. Oui, forcément, puisque ça fait plusieurs jours maintenant qu'on sillonne la région, qu'on les cherche, qu'on cherche à les débusquer. Là, on a quelque chose d'assez concret, des gens qui essayent de se rapprocher, qui apparemment essayent de se dissimuler. Donc pour nous, c'était un moment assez... c'était un événement par rapport aux autres nuits où on passe toutes nos nuits en surveillance, en observation, où on voit des animaux, mais voilà, c'est jamais, ça n'a jamais atteint ce degré-là. Bébert, t'as eu un petit moment de poésie, là? De poésie, oui, concernant le paysage. Le paysage lunaire, c'est très beau, c'est agréable, mais comme je disais... Tu peux d'abord le décrire, ce paysage? C'est un paysage qui paraît toujours très lointain, avec ses mouvements de terrain en fond de tableau, et toujours ces portions de lisière avec tous ces mouvements de rochers. Mais à force, ce paysage, il oppresse. Il n'y a plus de couleurs vives, comme le rouge ou le bleu, par exemple. Donc à force, sur le long terme, c'est... Ce paysage qui est très beau finit par oppresser. Ouais. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs conseillé aux plus jeunes des mecs du peloton, notamment ceux qui n'ont pas fait d'OPEX avec ce genre de paysage, d'apporter avec eux des décorations, beaucoup d'objets de couleurs vives pour les mettre dans leur zone vie, dans leur petit coin, pour toujours avoir ces couleurs-là qui se détachent de l'environnement, de ces couleurs sable. Et Philippe disait qu'il en devenait presque paranoïaque à regarder ce paysage. Et toi, tu passes ton temps à le regarder depuis ton... Oui, bah, ouais, c'est pour ça que je dis qu'il oppresse. Moi, c'est mon ressenti. Ouais. Regardez. Ah, j'ai pas cet aspect poétique, moi. C'est casse-burne de devoir regarder caillou après caillou. Parce que chaque centimètre carré est suspect ici, on dirait. Moins poétique, mais bon. Non, et ça fait travailler les ménages. C'est de la surveillance seconde par seconde et ça devient pénible à faire. Tout est suspect. Comment ? Il y a deux points de visu avec un ressort de matelas, des boîtes de conserve, des cornets comme ça. Où ça ? Là, en face. Juste en face, derrière, juste derrière le mouvement de terrain, il y a un rectangle avec des cailloux place à la main. Mais enfin, c'est bizarre, quoi. Et les points de visuel, on voit tout dégagé, nickel. Donc voilà. Paysage fatigant à la longue, dans le sens où effectivement on retrouve toujours les mêmes couleurs qui fatiguent le regard. Couleurs sombres avec les chaînes de montagne, ainsi de suite. Et qui rend du coup l'observation assez difficile. On a de temps en temps l'impression de voir des personnes se déplacer, alors qu'en fait c'est juste un reflet d'une pierre un petit peu plus claire que l'autre, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est... Presque des mirages. Oui, c'est des petits mirages qu'on a l'impression de voir comme ça dans les montagnes. L'esprit qui s'invente une vie. Et en même temps, en fait, le plus poète d'entre vous tous, c'est Bébert. Bébé, elle a touché de couche, c'est son côté viking qui fait ça. T'es originaire d'où, Bébert ? Du Nord. Du Nord, mais j'ai plutôt grandi dans les Vosges. Ouais. Et une partie et un moment en Savoie. Donc je suis toujours resté dans l'Est. Vous arrivez à en faire quelque chose ? Hein ? Vous arrivez à en faire quelque chose de ce bruit ? Moi, je gratte le sable, c'est tout. T'entraînes à soulever les cailloux. C'est ça. C'est ce que vous faites depuis deux jours. Non, on fouille. minutieusement. Chaque caillou. Exactement. Consensueux et professionnel. Maintenant, je les crois, c'est de la télé-réalité qui disent qu'ils arrivent à faire abstraction des micros et des caméras. Ah ouais. T'as vu, tu continues à creuser. J'ai que ça à faire, là, dans l'immédiat. On attend quoi, là? La fin du check génie, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça fait comme bruit, ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu creuses. Il faut l'illustrer plus joliment, quand même, ce bruit. C'est à toi de le faire. Ah, non, ça reste du grattage de sable basique. C'est à vous, après, d'en faire quelque chose. À quel moment vous arriverez à le placer, justement? Donc je disais que la frustration, c'est de voir personne aussi. À Bébara, c'est une zone qui est assez désertique. Et sur une petite quinzaine de jours, je partais tous les deux jours, trois jours en mission. C'est que pendant une semaine, on s'est dit avec mes hommes, on ne voit personne. Pendant une semaine, je partais tous les trois jours, chaque sortie, personne. Ni un chamelier, ni un camionneur, ni pas d'ennemis. Et on se dit, mais en fait... Qu'est-ce qu'on voulait? Sur le coup... Des fois, on s'arrête, on observe pendant une mission à la journée, ça dure. En moyenne, on part à 6h, on rentre sur les coups de 13h. Et des fois, bon, on stoppe le véhicule, on se met en observation. Et là, pendant des heures, mes chefs de groupe, ils ne font pas de compte-rendu parce qu'il n'y a rien. Non, mais c'est ça, le plus frustrant, c'est ça. Et sinon, je retrouve des missions annexes dans la mission. Aller fouiller un rocher qui m'a l'air d'être bizarre, peut-être une habitation abandonnée, pour voir si on ne trouve pas du renseignement. Souvent, on tombe sur des... Des cahiers d'écoliers. Comme hier. C'est ça, des cahiers d'écoliers comme hier, voilà. Comment tu fais pour les motiver, tes hommes, dans cette situation-là? Dans un premier temps, déjà, je suis très près d'eux. Dès qu'il arrive quelque chose, je leur cache rien. Que ce soit du bien, du mauvais, je leur cache rien. Après, j'ai été à leur place, j'étais ancien militaire du rang. Je sais ce que c'est aussi d'être jeune à l'armée et de ne pas savoir toujours ce qui se passe. Et à 20 ans, sauter sur une mine, psychologiquement, c'est dur. Je prends l'exemple du génie. Il y a un petit jeune qui remplace déjà un jeune qui a sauté sur une mine. Le jour d'après, il repart, il ressaute sur une mine. Dans l'esprit des gens, c'est difficile. Donc comment je les motive? Je leur dis que l'armée, c'est dur et difficile en même temps et facile en même temps. Quand c'est dur, on est encore plus réunis, plus dans la cohésion que quand il y a les bons moments. Et après, pour les motiver, c'est juste un regard, c'est prendre la personne à côté. On parle plus d'armée, on parle de qu'est-ce que tu vas faire en rentrant. On parle un peu de la famille et tout, et en fait ça remotive. Il y a des gens qui s'isolent de temps en temps. Moi le premier, j'ai besoin de m'isoler, penser à ma famille, à mes enfants. Et eux, pareil, leur famille, leurs copines. On n'est pas beaucoup à avoir des enfants à la section, mais on s'isole quand il faut s'isoler. Moi j'ai besoin de m'isoler. Hier après-midi, je me suis isolé pendant une quinzaine de minutes. Tout seul, j'écoutais ma musique. Après, c'est reparti comme en 40, si je peux le dire. Et je suis retourné vers mes mecs, parler correctement. T'es là depuis fin septembre, c'est ça, Fred? Fin septembre, non, c'était le début octobre. Et du fait que c'est ma dernière OPEX. Pourquoi c'est ta dernière OPEX? Parce que j'ai décidé de quitter l'institution. Ouais. T'as peut-être pas envie de me répondre, mais... Il y a pas mal de raisons, et effectivement, je ne répondrai pas. J'imagine que entre l'Afghanistan et ici, quand on est tireur de canon de 20 mm dans un VBL, on fait pas la même chose. Non, du tout. T'as beaucoup tiré en Afghanistan et là, t'as pas tiré une cartouche. En Afghanistan, ça nécessitait des tirs. Ici, on a effectué qu'un tir. Ouais. Mais il est vrai que sur ce théâtre, on a beaucoup moins l'opportunité de tirer. Ouais. Dû à un danger plus indirect que direct de la part des vilains. Et c'est un sentiment de frustration? Plutôt oui, ça tombe sous le sens. Ouais. Vaut mieux, après à mon sens, moins frustrant d'avoir un combat direct que de subir de l'indirect. Ouais. Parce que... 50. En Afghanistan... 50. Ouais, 50, c'est ce que tu vas donner ta position approximative. Alors 50, point central des pelotons, les pluies, référencées, centre du CESE, en fait. En Afghanistan, il y avait presque une forme de respect pour l'ennemi, quelque part. Bon, je parlerai pas, bien sûr, après, selon les traités et tout ça, mais je parlerai pas plus de respect. On fait tout simplement ce qu'on nous a demandé de faire, et ça s'arrête là. Mais par rapport à ici, c'est pas le même ennemi. Il y a des similitudes. Ouais. Il y a des similitudes. Leur méthode de faire semble pas les mêmes. Buvez un coup avant de repartir là. Je pense que vous avez pris un coup de chaud. Et après on est reparti. Oui, mais quoi, les attend ou on va les chercher? On va les chercher. Qu'est-ce qui se passe là? Là ils ont trouvé une cache de GATT, un peu plus au nord. Les groupes armés terroristes, donc un point de ravitaillement avec de la nourriture et de quoi se ravitailler quoi. Et du coup on check tous les alentours. D'accord. Et il y a eu une demande de tir de canon, c'est ça? Correct, ouais, de César. Ça sera des tirs fumigènes sur des positions où des communications ont été interceptées. Donc c'est pour leur brouiller la vue, pour pas qu'ils puissent renseigner sur nos positions. Et aussi peut-être leur signifier qu'ils ont été vus. Exactement, oui. Alors, question naïve, pourquoi un fumigène et pas un... Ça, ouais. C'est décision de commandement après. Ouais. Je pensais... C'est différentes décisions entre vraiment détruire ou bien vraiment brouiller l'ennemi quoi. D'accord. Donc là ils sont restés au stade du brouillage. Ce qu'on entend au fond ce seront c'est des mirages, c'est ça? Des mirages, oui. Et que font-ils ces mirages? Ils observent, ils ont des caméras, puis ils renseignent un peu, justement, on leur donne des localisations à checker un peu plus. Eux, ils tournent autour de ce secteur pour éviter de nous envoyer nous, justement, où c'est un peu plus loin, ou bien si c'est un peu plus montagneux, justement, éviter de nous de grimper, perdre beaucoup plus de temps. Donc, Et alors, tout à l'heure, il a été évoqué ce qui s'appelait un show of force. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les mirages, justement, qui font un passage bas, donc en rase mode, pour justement déstabiliser l'ennemi aussi et éventuellement les faire sortir de leur cage. Et lui signifier encore qu'ils ont été vus. Voilà, c'est ça. Ah, vu, impact. Wow. Ah, il est beau aussi, là. Ok, midi, fond de tableau. Deuxième tir. Impact. Deuxième impact à gauche. Tonnerre 10 sur le dernier tir, plus au nord 50, efficacité. Tonnerre 10, check 12, correct. Au nord, 50 mètres d'efficacité. On a entendu le coup juste avant moi, j'ai annoncé. Départ de coup. Voilà. Ici, tonnerre 10, tir terminé, consommation 4 de plus 2. Ici, Akia 12, visuel, en place, tir terminé. C'est parfait. Ici, donc suivi proposition. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, Julien? Bien sûr. Oui, je suis. Julien, capitaine au 15-2, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. 152e régiment d'infanterie basé à Colmar, qui commande et commandé toute l'opération qui a eu lieu aujourd'hui. On se trouve où là, Julien ? Alors là, on se trouve dans mon véhicule de commandement, hein, celui qui me sert à pouvoir atteindre tous mes subordonnés sur le terrain et à pouvoir leur donner des informations pour pouvoir progresser et manœuvrer dans un environnement comme celui que nous vivons ici en Afrique. Alors aujourd'hui, on a fait une mission de reconnaissance tactique dans un endroit qui est assez sensible, car on avait comme objectif d'aller débusquer des groupes armés terroristes qui potentiellement pouvaient être dans cette zone. Donc la reconnaissance s'est plutôt bien passée. Assez rapidement, on a pu détecter des personnels qui étaient en observation sur nos déplacements. Donc la manœuvre a consisté à tenter de les chasser, voire de les capturer. Malheureusement, on n'a pas pu les capturer. En tout cas, ils ont été chassés de la zone, permettant de pouvoir progresser en toute liberté. Et pourquoi vous n'avez pas pu les capturer ou... Parce qu'on a affaire à un ennemi qui connaît parfaitement le terrain. Il est chez lui, le terroriste, et il a des modes d'action, notamment par des mobilettes ou des motos, qui lui permettent d'être très fugace et très rapide pour pouvoir s'exfiltrer quand la force arrive. Alors toute la complexité hein, du GAT, c'est de pouvoir le discriminer. Donc on ne peut pas tirer comme ça sur quelqu'un dont on n'a pas la certitude à 100% qu'il s'agit bien d'un terroriste. On se doutait que c'était un terroriste, mais sans cette certitude, on ne peut pas, bien entendu, neutraliser au vu des règles d'engagement dans un conflit comme celui du Mali. Lorsqu'il a été décidé finalement de ne faire que le chasser, j'ai ressenti une grande frustration chez les hommes avec lesquels j'ai partagé le quotidien aujourd'hui, et j'ai l'impression que cette frustration, elle était également présente chez leur chef. J'ai l'impression qu'il y a une frustration qui va très haut dans la hiérarchie. Je me trompe ou... En fait, quand vous êtes pris par une action, vous êtes à 200% pour pouvoir agir contre un terroriste plus ou moins avéré. Et c'est ce facteur du plus ou moins avéré qui fait que l'ordre n'a pas été donné de l'engager directement, mais d'essayer de préciser ce renseignement. Pour préciser ce renseignement, donc j'ai donné l'ordre de manœuvrer pour tenter de le capturer au mieux ou de le chasser au pire de cette zone où nous nous trouvons. Et forcément, on a toujours cette frustration de ne pas arriver à cet objectif, de pouvoir le capturer, de pouvoir agir comme on le souhaite. Et ça, je pense que c'est un réflexe normal quand on se fixe un objectif et qu'on n'arrive pas à l'atteindre comme on le désire. D'accord. Avec une crevaison, avec plusieurs heures à évoluer sur un terrain extrêmement difficile, puisque vous vous refusez à utiliser les pistes afin de pouvoir éviter les mines, les engins explosifs. C'est-à-dire que vous faites votre trace. C'est extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de moyens. Alors à cela s'ajoute la poussière permanente, le sable, évidemment, qui n'est pas sans incidence, pas seulement sur le matériel, mais également sur les hommes. C'est relativement dur hein, pour les corps. Le physique est essentiel pour pouvoir durer, parce qu'il s'agit bien de durer quand on fait ce qu'on appelle une nomado de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Et le vent, le sable, l'amplitude thermique qu'on peut avoir entre le jour où on atteint les 40 degrés et la nuit où on tombe à moins de 10 degrés fait beaucoup de mal au corps, mais comme souvent, le militaire s'adapte. Et s'adapte bien à cette exigence du terrain. Quel est le programme ? Alors, on va continuer notre reconnaissance. Hein, non, mais déjà le lever, parce que ça m'intéresse personnellement. Alors, pour toi, si on t'amène le café... au lit, comme ce matin. Au lit, comme ce matin, en étant un invité de marque. Hein, je pense que tu peux tabler sur les coups de 5h30. D'accord. Avec un départ prévu sur les coups de 6h30. D'accord. Et puis après, on va poursuivre notre reconnaissance, pour tenter de débusquer ces fameux groupes armés terroristes. On est tenté de penser que, vu l'étendue du territoire, et dans la mesure où vous allez quitter cette zone très prochainement, et bien que ces GAT, groupes armés terroristes, vont revenir ici, sous peu. Alors oui, parce que c'est le principe de la guerre asymétrique et le principe des vases communicants. Donc il s'agira pour nous de revenir. Ils se regroupent sur nos arrières, et donc il s'agit également pour nous d'être présents et mobiles. Pour traquer des terroristes nomades, il faut que nous soyons nous-mêmes des nomades. Donc là, une dizaine d'hommes font rouler des pneus endommagés vers l'hélicoptère. Bonjour. On a trois roues. Qu'est-ce que vous voulez comme d'abord pour entre la plus grosse, la plus petite? Trois roues, la plus grosse. La roue de César d'abord. Aïe. Et la bébelle, c'est léger ça. Ramène la bébelle. Non, ça, c'est celle qui arrive. Si. Pour la bouche. Correct. Ah ouais. La douche. Garde-la à la pièce. Pour la bûche. La bûche. La bûche. On a changé de campement. 17 km plus au... Je sais plus si c'est au sud ou au nord. Et comme après chaque déplacement, tout le monde nettoie son filtre à air. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'installer mon filtre à air. Et après chaque départ, à l'arrivée de la BAT, on nettoie les véhicules, comme ça, prêt à repartir. Ça évite les soucis mécaniques. Et voilà. Il y a beaucoup de poussière, donc il faut entretenir, hein, parce que sinon, on n'ira pas bien loin. Les véhicules encaissent beaucoup ici, j'imagine. Oui. Le matériel d'une façon générale. Matériel, surtout niveau pneus aussi. Oui. Les pneus, les crevaisons, ça y va. Il y en a encore une ce matin. Voilà. Là, les cailloux, c'est des lames de rasoir. Donc voilà. Quoi. Et les hommes, ça va? Fatigué, quoi. Un peu fatigué, mais on fait avec. On fait avec. Ça fait combien de temps que t'as pas changé de treillis? Là, celui-là, ça va faire 10 jours. 10 jours. Faut dire ce qu'il y a. Et de vraies douches? Douche hier. Ah, la bouteille, quoi. Ouais, la bouteille, bien sûr. Enfin, la vraie douche, ça va faire 12 jours. 12 jours déjà. Ouais. Ton prénom, c'est quoi déjà? Thomas. Thomas, oui. Donc Thomas qui nous accueille sous la bâche de son camion. Le camion du génie. Du 3e régiment du génie. Non, j'ai pas envie de me raser. De Charleville-Mézières. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je profite de ces moments d'homme pour laisser un petit peu pousser la barbe. Et j'aime être dans ma crasse. Enfin, j'ai tellement pris l'habitude. En fait, ça fait le temps que je suis à l'armée. En fait, je me plais dans ma crasse. En fait, je prends ma douche tous les 4 jours. Je change de chaussettes tous les 3 jours. Et les slips aussi. Et ça me va très bien. Attention, à la maison, c'est pas comme ça. Hein. À la maison, c'est pas comme ça, mais et les trois quarts de mes hommes, c'est pareil. En fait, ouais. On se plaît dans notre crasse, en fait. Et c'est très bien. Je dois habiller, en fait, parce qu'il fait froid. Et j'ai pris une petite couverture, donc je suis réveillé à 3h30, je regarde les étoiles. Mais je me plais dans ma crasse, et c'est sympa. Finalement, c'est cool pour tes hommes. C'est cool pour les hommes, et surtout pour moi. Ouais. Là, ça me plaît de ce que je fais en ce moment. Une semaine complète, ça va être. Et moi, j'ai lâché ta mort pour l'hôtel. On profitera à l'instant T, une fois la mission terminée. C'était Normalie, décembre 2016, opération Iroquois. Coordination Perrine Carvran. Attaché d'émission Marivonne à Bolivier, mixage Cédric Chatelus, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Elle a 8 ans, c'était avant Louane à la mode. Là. Je vais appeler Maïline. Maïline. Maïline moi-même. Maïline chez moi. J'aurais une fille, j'aurais appelé Lorna. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, replay et podcast pour la forêt, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, deuxième épisode, au Mali, faire la guerre à 20 ans.